qui s'intitule « Pour améliorer sa vie, s'allier les forces du bien ». Bien. Bien. Alors, ce qu'on a vu tantôt, c'était que les forces du mal, puisqu'on les a appelées comme ça, étaient présentes... Dans la première conférence. Dans la première conférence. Alors, elles étaient présentes partout et comment on les exprimait, c'était surtout dans la recherche de la souffrance, puis dans l'autodestruction. En fait, notre vie, elle nous mène à la mort. C'est évident que pour plusieurs personnes, les forces du mal, même il y a des gens qui ont un plaisir à ce que les forces du mal soient des forces intentionnelles qui volontairement veulent faire du mal. Alors on a parlé, on a appelé des mécaniques, on avait des volcans qui portaient des noms avant, on avait aussi Satan, Belzébuth, on avait Lucifer, des paquets de noms comme ça où on a baptisé certaines forces, puis il y en a d'autres. Mais Lucifer, moi je pensais que c'était porteur de lumière. Lucifer veut dire porteur de lumière. Théoriquement, c'est un personnage qui va très très très longtemps être arrivé ici et qui a mêlé sa race à celle de l'humain, engendrant l'âme, donc la psychologie chez l'humain. Pour la théologie, c'était celui qui finalement a voulu faire avancer plus rapidement les plans de Dieu, donc s'en est mêlé pour aider l'humain, et finalement Dieu n'a pas été content puis il l'a banni. Pour un ésotérisme planétaire assez actualisé, Lucifer habite chaque être humain parce que c'est l'ego. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, du moment que tu... De toute façon, quand on parle de... Quand on regarde les explications religieuses, même ésotériques, mais même quelquefois scientifiques, il y a toujours à l'intérieur de ces explications-là le besoin pour l'homme d'être soit totalement minable, soit totalement divin. Mais c'est toujours un divin minable. C'est toujours un Dieu en potentiel. C'est jamais quelqu'un qui va dire qu'il y a des pouvoirs divins, on va le prendre pour un écervelé. Oui. Ou encore quelqu'un qui va dire la perfection n'est pas de ce monde. Moi, ça me dirait, ah, ça c'est une loi à retenir. Mais les gens s'en servent pour pouvoir se faire acquérir. C'est limité, c'est ça. Non, pas souffrir. Ah, la perfection n'est pas de ce monde. Ou je m'en sers pour expliquer que je continue à faire les choses tout croche, ou je m'en sers pour refuser la perfection de quelqu'un, de quelque chose qu'il a fait. Mm-hmm. Mais ça me plaît de pouvoir me vautrer dans un monde où la perfection est bannie, alors qu'à l'intérieur de moi, je recherche la perfection. Alors que moi, j'ai plutôt le décodé comme étant une mécanique. Alors, si la perfection n'est pas de ce monde, c'est exactement comme c'est normal que les loups attaquent l'humain. C'est une loi naturelle. On est sur le territoire, donc défendre le territoire. Pas de problème. Et si je mets des clôtures barbelées, des clôtures électrifiées, ou si je m'achète des fusils, loi naturelle ou pas, un jour, les loups vont me foutre la paix. Alors que si je dois faire des sacrifices aux loups pour qu'ils me foutent la paix, tu sais, la mécanique est bien différente au niveau de ma résolution de problème. Si je peux comprendre le monde à partir d'une explication contrôlable par moi, ah, de temps en temps, évidemment, j'aurai des explications qui seront en dehors de la réalité. J'en ai déjà parlé, comme Christophe Colomb qui partait découvrir l'Inde en partant vers l'Ouest, ben, il a manqué son coup. Bien découvert l'Amérique. Donc, il a manqué son coup à moitié. Bon, c'est tout. Nous, on va... Et puis, une fois qu'il s'est rendu là, ben, OK, il a trouvé du blé d'Inde, bon, il a trouvé des Indiens, etc. Mais lentement, par la suite, ben, on finit par dire, écoute, c'est pas grave, t'as pas manqué ton coup au complet. S'il n'y avait pas eu les Amériques, tu aurais traversé. Donc, tu avais raison de partir, alors que tout le monde disait que la Terre était plate et ennuyante, et qu'on ne pouvait pas faire le tour. Bon, c'est la même chose au niveau des explications. Tant que l'être humain va continuer à rechercher les forces du mal, par exemple, moi, je sais très bien qu'une personne qui est malade, il y a des êtres humains qui ont la capacité d'arriver et d'ordonner à la maladie de s'en aller, et la maladie s'en va. Et là, on va dire, voyez-vous, il est le contrôle des forces. Oui, sauf que tant qu'on a une vision psycho-émotive de ses forces et du contrôle qu'a fait une personne, on ne pourra pas comprendre la procédure et l'état d'esprit que devra vivre l'individu qui va guérir. De ce fait, on ne pourra pas l'expérimenter, l'explorer, la contrôler, la maîtriser et l'enseigner. Alors, on va toujours devoir dire à quelqu'un, ben écoute, regarde, grosso modo, là, il a crié de même, il y avait une épée, il a fait ci, il y avait un crucifix. Oui, mais il y avait aussi un paquet d'autres mécaniques. C'est comme un médecin qui t'opère, ben, il y avait un bistouri, il y avait une infirmière pour aider, il y avait un anesthésiste, il y a fait que couper là. C'est tout vrai. Mais on sait qu'il y a des médecins qui vont vous opérer, qui vont oublier leur pince hémostatique en refermant. D'autres vont vous opérer et ils vont se tromper de place. D'autres vont faire ça d'une façon tellement parfaite que vous allez avoir un retour post-opératoire très rapide. Mais on remplit si on enseigne la procédure. Alors imaginez-vous que si on ne connaît rien de la médecine, on a un personnage qui arrive, lui ici il a un problème abdominal puissant, l'autre il arrive, il ouvre là-dedans, il tripote un peu, il sort un petit morceau de rien, puis il referme tout ça, il n'a pas une vasectomie. La prochaine fois que quelqu'un a mal au ventre, bien là, celui qui a dit ça, il arrive, il ouvre le ventre, il fouille dedans, il sort un bout, il sort la vessie par exemple, puis il referme tout ça. Là, on va se dire, écoutez, scientifiquement, c'est pas évident, ça. Non, c'est parce qu'on ne connaissait pas la procédure, on était attaché émotivement à la forme, à ce qu'on voyait et à ce qu'on retenait de ce qu'on voyait. Les forces du mal, les forces bizarres, les forces qui vont faire en sorte que les avions vont tomber. Et là, je parle d'avions qui décollent, puis qui s'écrasent, puis qui tomberont, qui c'est déjà arrivé. Lorsqu'on parle d'individus qui sont en parfait état, on lit ça dans les journaux de temps en temps. C'est un policier à Bangkok, ou un policier en Italie, à Rome, ou à Montréal, ou ailleurs, qui à un moment donné, tire partout dans le poste de police, ou l'autre fou qui rentre dans un McDonald's et qui mettraille un paquet de monde parce qu'il y a une chicane de famille. On se dit quelque chose qui ne va pas. Si on regarde la procédure psychosociale, c'est-à-dire l'espèce d'égrégore collectif, on se rend compte que plus l'individu vit de stress dans une société, plus ça augmente un seuil de problèmes dans la société, puis à un moment donné, il semble que le seuil, le gros paquet de problèmes, soit canalisé par un ou quelques individus, paf, il se passe de quoi dans la société. Alors, l'honnête personne qui est bien correct que tout le monde aime, bien, on se rend compte que ça fait trois femmes qui coupent en morceaux. Puis on ne peut pas psychologiquement comprendre le schéma du bonhomme. On peut dire qu'il y a une double personnalité. Un prêtre, un ésotériste, un occultiste va dire, oui, mais de temps en temps, il est possédé. Le prêtre a déjà guéri des possédés. Le psychiatre a déjà guéri des problèmes des gens qui étaient pris comme ça. Et les médicaments peuvent aussi aider des personnes qui ont des problèmes psychologiques. On a des antipsychotiques, c'est les gens qui sont trop déprimés. On peut les motiver. Un prêtre peut leur donner confiance dans la vie. Un médecin peut leur donner des médicaments qui vont les rendre corrects. Trois visions différentes du problème, trois solutions différentes du problème, trois solutions qui se battent les unes contre les autres parce qu'ils veulent que leur explication soit l'explication. Mm-hmm. Mais les forces du mal... Leur explication exclut les autres. Oui, exactement, comme je dis souvent, les maladies psychosomatiques, c'est reconnu. Mais les guérisons psychosomatiques, on n'en veut pas. Ça marche dans un sens. Mais c'est rentable quand ça marche dans un sens. Ça crée des malades. Mais c'est pas rentable quand ça crée des gens en santé. C'est ça, ça guérit tout ça. Alors on va lutter. Mais on lutte surtout contre nos vieux schémas, difficulté de comprendre les choses neuves. Si on parle des forces du mal, souvent les gens vont espérer, enfin aiment, vont lire, vont regarder des films d'horreur. Il y a encore des films d'horreur qui passent régulièrement. Je peux vous dire que ma lumière a besoin de ça. Et tout ce qui est inventé socialement de toute façon pour détruire et anéantir l'humain et amener à la souffrance. Si on parle des forces du bien, ben nécessairement, il faut parler des forces du bien aussi comme étant non pas intentionnelles. Oui. Est-ce que les forces du bien, c'est seulement une absence de forces du mal ou il y a vraiment des forces du bien? Bon, si on veut dépolariser un peu le mal et le bien, parce que le mal et le bien polarisé, ça fait peur, ça culpabilise, t'as l'impression que c'est faut que tu donnes. Faut que tu donnes au diable pour qu'il te laisse en paix. Faut que tu donnes à Dieu pour qu'il vienne t'aider. Et à un moment donné, on a beau donner, mais il se passe de quoi? Si il faut que je donne mon plus beau mouton à Dieu, il me semble que si c'est le Créateur, il devrait s'en faire des moutons s'il en veut, puis laisser les miens. Ça serait logique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, évidemment, a toujours fait un parallèle entre sa propre nature, l'expression de sa nature. Si je veux avoir les faveurs de mon père, je devrais lui rendre des services. Si je veux avoir les faveurs de mon roi, ben je devrais lui prouver que je l'aime, s'il a besoin d'être nourri de mon amour. Je devrais lui prouver que j'obéis, que je suis prêt à mourir pour lui. Et nécessairement, par extrapolation, parce que l'homme va créer Dieu à son image et à sa ressemblance, il pensera aussi que les divinités ont besoin de ce genre de choses. Mais encore là, il donne tout le temps son énergie, il donne de lui, il se vide dedans, là. Au lieu de le donner, de se le donner, de le donner aux autres, on peut créer une... L'humain est organisé pour créer une planète qui est extrêmement intéressante. Sauf qu'il y a des humains, évidemment, ils se battent pour Dieu, ils se battent pour leur Dieu, ils se battent pour leur territoire, ils se battent pour leur femme, pour leur voisin, pour leur chien, pour leur moineau, pour leur intégrité, ou encore simplement pour l'honneur. L'honneur de merde, comme disent certains. Le mal, est-ce que c'est... pas long, juste pour dépolariser, le mal c'est l'assujettissement des mécaniques. Le bien, c'est le contrôle, la maîtrise, la compréhension de ces mécaniques-là. C'est une dépolarisation. Alors, si je dis, par exemple, bon, le mal habite le monde, oui, le mal habite le monde, parce que le monde, les gens sur la planète, ignorent, ne connaissent pas, ils sont assujettis aux mécaniques. Tant qu'un volcan détruit, tant qu'un tremblement de terre détruit, tant qu'un ouragan détruit, c'est le mal. Quand l'humain peut prévenir un tremblement de terre, déménager avant, le bien commence à être là. Le bien, compréhension, humanisation, contrôle. Et quand je parle de contrôle, moi, je ne parle jamais de contrôle dans le sens pouvoir. Je parle toujours de contrôle dans le sens puissance. Donc, c'est un contrôle qui est un égoïque, c'est un contrôle. Je contrôle la situation. Ça ne veut pas dire que je suis le dominant, le domineur, puis je contrôle tout ça. Bon, je donne un cours dans une classe et je contrôle mon groupe. Et mon groupe, il est heureux, mon groupe, il vit, mon groupe, il est correct. Bon, je gère le groupe. On parle de contrôle dans ce genre-là. Il n'y a pas dans le genre contrôle-pouvoir. Tout le monde est assujetti à mon pouvoir. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, et puis c'est utile aussi, c'est que c'est, si on parle du bien, faire le bien, comme j'ai dit souvent, les gens veulent faire le bien, mais ils le font mal. Alors, les gens font donc le mal. Et si on comprend les mécaniques, on va être capable de faire du bien. Mécanique relation parent-enfant, par exemple. Le parent qui est fatigué et qui dit, « Là, cesse de me déranger, là, tu me fatigues. » Décodage chez l'enfant, je suis un être qui dérange et qui fatigue. Mm-hmm. Bon, on comprend la mécanique. Le père qui dit, écoute, cesse de faire du bruit ce soir, je suis fatigué, claqué, j'ai de la misère à l'endurer. Décodage de l'enfant, papa est fatigué. Mm-hmm. OK? Si je comprends la mécanique, le bien s'installe. Sinon, il va y avoir engueulable. Si je dis, T'es dérangeant. Il dit ça, mon enfant. T'es un maudit hypocrite, un maudit égoïste. Tu te fais que déranger. L'enfant peut s'obstiner. Il n'est pas un hypocrite, il n'est pas un égoïste. Mais si je lui dis, ça me dérange, il ne peut pas s'obstiner. Mm-hmm. Ça me dérange. C'est pas si bon. Si je comprends la mécanique des communications, par exemple, bien là, je vais être capable de parler avec mes enfants, de leur expliquer des choses. Ils vont être capables d'apprendre à faire leur ménage. Pas par exemple, et que tu es désordonné. Peut-être c'est juste là qu'il est désordonné, peut-être pas le reste dans le reste de sa famille, donc il va obstiner. Mais si je lui explique ce que moi je sens quand je vois ça, et que ça me dérange quand je pile dans tes jouets, puis, il ne peut pas obstiner. Vu qu'il ne peut pas obstiner, je n'amène pas son ego à grimper. Puis le mien n'est pas là non plus. Et en plus, vu qu'il m'aime, je lui parle de ce que je vis. Pas nécessairement, il va faire une démarche pour arriver à m'aider. Mais ça veut dire que tu t'exprimes quand même émotivement, mais ce n'est pas une émotivité qui va... Tu remets pas je ne m'exprime pas émotivement, je lui exprime ce que je vis émotivement. Et ce que je vis intellectuellement, et ce que je vis mentalement, et ce que je vis dans mon intelligence. Mais là, ce que je fais, j'amène le bien. Mais j'amène le bien pourquoi? Parce que je viens de comprendre une mécanique du mal, une mécanique de désordre, une mécanique qui ne va pas avec ce que je veux vivre. Et je vais, maintenant que je comprends la mécanique, que je me rends compte que quand je lui dis toujours avec « tu fais ceci, tu es cela », je me rends compte que lui va toujours se défendre là-dedans, parce que très souvent, il ne voit pas ou il ne vit pas ce que je dis qu'il vit. Je suis écœuré, tu m'écœures. Je ne veux pas écœurer mes parents. Donc, il va dire « ben voyons donc ». Mais si je dis « ça m'écœure quand tu fais ça », il peut au moins pas s'obstiner. Il peut me dire, évidemment, si c'est un défi, il peut me dire, écoute, fais-toi soigner. Bon, OK. Sauf que la façon de communiquer avec ce que moi je ressens, quand j'ai compris la mécanique des guerres d'ego, je vais facilement être capable de contourner. Puis, on va commencer à être capable de discuter. Entre l'homme et la femme, c'est la même chose, ou entre les humains. Mais comme tu décris ça, ce que je vois, c'est que le bien, on ne connaît pas vraiment ce que c'est. En tout cas, on a vu des petits bouts, mais on ne vit pas ça d'une façon constante. Là. On peut se réchauffer quand il fait froid, puis on peut aussi lutter contre le froid pour un chaud. Comme le froid n'existe pas, le froid, c'est l'absence de chaleur. Mm-hmm. Quand la chaleur s'en va, il y a du froid. Quand on met de la chaleur, il n'y a plus de froid. Mais le froid ne sort pas à l'extérieur. Quand je réchauffe ma maison, il ne fait pas plus froid dehors. Ah. OK? Oui. Mais ça veut dire que ma philosophie, ma façon d'attaquer le problème, lutter contre le froid, par exemple, essayer de mettre le froid dehors, je prends une espèce de bouclier, je pousse le froid dehors. c'est que tu lui donnes beaucoup d'attention. C'est pas non, c'est pas que ça. Il va faire foi pareil. Oui. Alors, quand l'humain se dit, écoute, quand l'humain, par exemple, si l'humain se bat contre les relations de couple qui sont envenimées, si l'humain se bat contre les relations professionnelles qui sont envenimées, plutôt que de travailler à avoir les relations qu'on veut, le travail est très, très différent. Mais parce que la nature humaine est amenée à vivre, à rechercher la misère, la souffrance, le malheur et à s'autodétruire, et ce n'est pas ce que l'humain veut, c'est l'obligation que l'humain a quand il s'exprime. Hein? Les gens de génie ont souffert, les gens qui avaient des solutions géniales, l'humanité allait les repousser. Il faut comprendre, il y a une nuance entre ce que moi je veux et ce que je fais, à travers les mécaniques qui m'obligent à m'exprimer. Mm-hmm. Bon, mais si je comprends ces mécaniques-là, c'est le bien que j'amène. Là, je vais m'allier les forces du bien, et la force du bien, c'est la compréhension des mécaniques pour être capable de contrôler les mécaniques. Ça veut dire que tu, en comprenant les mécaniques, tu te désassujettis, on peut dire, les forces du mal, puis tu n'es plus obligé de les exprimer. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne t'exprimeras plus en suivant des mécaniques naturelles qui n'ont jamais été améliorées par l'humain, qui sont des mécaniques qui amènent l'humain sans arrêt à faire des conflits. Depuis que l'humain est humain, depuis qu'on a des livres d'histoire, que ce soit des livres d'histoire théologiques, donc antihistoriques, et des livres d'histoire créés par les historiens, on se rend compte que l'humain a amélioré énormément de choses, que là où il y avait des déserts, là où il n'y avait pas d'eau, on creuse des puits puis il y a de l'eau en masse, que là où l'humain il prenait 3 mois à faire une traversée océanique, on prend un avion, on fait 107 heures, que là où l'humain perdait 7 enfants sur 10, on en perd 1 sur 100 quelques aujourd'hui, que là où il y a des épidémies majeures qui massacraient des populations complètes, on a maintenant... Bon, l'humain a amélioré des choses. Et je n'ai rien contre ce qui fait en sorte que l'humain peut être bon. Appelez ça Dieu, appelez ça le cosmos, ça ne me dérange pas. Mais ce que je sais, c'est que quand l'humain s'adresse à un Dieu, il ne s'adresse pas aux bonnes forces. Il s'adresse à quelque chose qui ne peut rien recevoir. Puis qui ne peut pas agir pour lui. Mais non, l'humain a fait des choses. Sauf que dans une grande partie... des lois, des mécaniques de ce monde, il n'y a pas eu d'études. Il y a eu de l'amour de ces lois, même si ces lois-là te bafouaient. Il y a eu de la peur, de la crainte de ces lois, mais il n'y a pas eu d'études et de contrôle de ces lois. Alors, à un moment donné, bon, on a réussi à devenir agriculteur, on a nourri plus de gens, on est devenu aussi beaucoup de fermiers, on a nourri plus de gens, on est devenu des techniciens, on a eu l'air industriel. L'air industriel a pollué, oui. Sauf que le pinatubo pollué en gaz sulfureux et nitreux plus que toutes les usines peuvent le faire en 10 ans. Donc, la nature est beaucoup plus destructrice planétairement que l'homme l'est lui-même. Alors, c'est sûr qu'on aime ça se faire acquérir sans arrêt, parler de la pollution. Quand on se rend compte qu'on pollue un peu, qu'on met du plomb dans l'air, etc., c'est évident que quand l'humain s'en rend compte, ben, l'humain va nécessairement appliquer du bien. Comprenant la mécanique, ben, il va l'éliminer un peu. Hein? Les chlorofluorocarbones, par exemple, les CFC, on a commencé à les diminuer. Ah, ça va. Il suffit de 3-4 volcans pour anéantir la couche d'ozone d'une façon beaucoup plus dangereuse que toutes nos CFC ces 30-50 dernières années. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire donner notre coup de pouce à la mécanique pour restaurer un peu le climat. Ça va. Parce que comme je dis souvent, on se plaint que tout va mal, mais notre espérance de vie est de 30 à 40 années plus longue que celle de nos ancêtres, qui vivaient sans stress, qui mangeaient des animaux purs, qui buvaient une eau pure, etc. Donc, malgré que tout va mal, ils aimeraient bien vivre ici. On vit beaucoup mieux ici. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de s'allier les forces du bien, ça ne veut pas dire se promener avec un pendentif. Ça ne veut pas dire faire l'étude mystique des cristaux. Un historien pourrait faire l'étude du conte de Monte Cristo. Par contre, est-ce que ça veut dire que les cristaux n'ont pas d'effet? Non. Est-ce que ça veut dire que les aimants, le magnétisme n'a pas d'effet? Non. Mais ça veut dire que si on fait une étude épurée de ferveur émotive dans la chose, on va se rendre compte que c'est beaucoup mieux. Ah, un cristal, ça peut te guérir parce que toi, tu es fait de cristal. Mais tu n'es pas fait de cristal. Hey, c'est simple, c'est ça. Bon, alors c'est pas nécessaire d'être fait de cristal pour qu'un cristal puisse nous aider. Parce qu'il y en a qui pourraient se guérir avec d'autres choses. Non, vous pensez mal. Mais non, mais de chocolat. Il y en a qui mangent du chocolat, j'ai du chocolat, je pense. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on veut appliquer les forces du bien, ça fonctionne bien si on contrôle ce que l'on fait. Par exemple, il y a des gens qui disent, moi, je fais du yoga, et ça me permet, ça m'émancipe, je transcende. Oui, OK. Mais est-ce que l'on sache, il n'y a pas beaucoup de grands maîtres du yoga dans le monde ou dans l'histoire. Si chaque siècle crée son maître, ça prouve que le yoga, ça vaut rien. Mais un maître par siècle pour l'humain, ça prouve que c'est bon en maudit. Mais c'est parce que l'humain veut copier. L'humain n'est pas suffisamment autodidacte, n'est pas suffisamment métacognitien, ben, l'humain parce n'est pas capable de recréer ça. C'est... Ça lui permet, s'il y a un maître, ça lui permet d'idolâtrer, puis en même temps de souffrir de ne pas y arriver. Puis d'avoir plein d'autres choses, là, mais ça le médiocrie, ça l'assujettit, ça l'omnibule, etc. Ça fait partie des lois de l'occupation. Mais quand on parle des forces du bien, l'humain, par exemple, à un moment donné, moi, j'ai fait plein d'expériences aussi, des expériences au départ théologiques. Après ça, ésotérique, occulte, après ça, ésotérique, et puis finalement, un peu plus, pas scientifique, différente en tout cas, pour essayer de percevoir ces forces-là. Alors, il fut un temps où je travaillais pour Urgence Santé ici dans la région, et puis, il y avait des personnes, quand ils étaient soit blessés, soit malades, qui émotivement me dérangeaient un peu plus. Normalement, plus c'est jeune, plus ça me dérange. Mais plus c'est intelligent, plus ça me dérange. Donc, il y a des personnes des adultes, qui étaient des bonnes personnes, puis ce qui leur arrivait dans la vie, c'était ridicule. Je me rappelle d'une fois où une femme était en train d'étendre son linge, et puis au deuxième étage, et puis là, elle a étendu son linge, elle s'est étendue, puis elle est tombée en bas. Bah. Et puis, c'est évident, le nez tenait par un petit bout, là, puis c'était assez amoché. Les questions fondamentales, c'est à qui a-t-elle déplu pour qu'on la pousse? Parce que là, on va dire, ah oui, mais c'est parce que. Non, mais c'est si on veut parler de force du mal, de force du bien, quand elle fait tomber en bas du deuxième étage alors qu'elle était à étendre le linge de sa famille, donc elle a fait des corvées, tu sais, c'est bon, etc. Il semble que déjà, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Et puis, paf! Là, on peut parler des vies antérieures, peut-être un jour, une vie antérieure. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien ça quand on me punit, savoir pourquoi. T'sais, ça m'aide à m'instruire. Mais elle, si on la punit et on ne dit pas pourquoi, pas évident qu'elle ne recommencera pas. Il y a un pédagogue quelque part dans le cosmos qui aime son maudit puni pour rien. Alors, je m'amusais avec certains patients, etc. Puis, ce qui était le plus problématique au niveau des forces du bien, c'est que c'était plus théologique, c'était plus bon. Et rendu à l'hôpital, il y avait des patients qui n'étaient plus malades. Puis là, il fallait qu'on leur explique mais de faire semblant d'être malade. C'est pas fait pour fou un peu. Le temps qu'ils passent leur examen puis qu'on leur dit ça va. Bon, surtout au niveau des infarctus, des choses comme ça, certaines problématiques. Ça fonctionnait pas tout le temps, ça dépendait de comment on allait, ça dépendait du partenaire avec qui je travaillais, etc. Mais donc, il y a une incidence qui est évidente, soit dans la façon d'aborder les patients, des faire rire pas trop, parce qu'il y en a des fois que quand ils rient trop, ça dépend comment ils sont, tu sais. Mais tu veux dire, tu leur parlais de ce qui arrivait ou tu... Non, là, on leur parlait d'une certaine façon, puis finalement, ils allaient mieux, puis ils sentaient plus leur mal. Alors, sur des fractures, il n'y avait plus mal, mais il y avait encore la fracture. Mais c'est quand même déjà bon. Mm-hmm. Alors, c'est des choses comme ça. Par la suite, à un moment donné, ben, c'est un peu plus au niveau, l'étude se fait au niveau spirituel, mais moi, où je m'interrogeais, c'était pourquoi ça fonctionne des fois, pourquoi ça ne fonctionne pas d'autres fois. Mm-hmm. Bon. Ensuite, pourquoi ça fonctionne quand je le fais avec les autres, pourquoi ça ne fonctionne pas quand je le fais sur moi? Mm-hmm. Bon. Et tout ce genre, ce questionnement-là fait en sorte que je ne peux faire autrement que d'en déduire que c'est parce que je ne sais pas ce que je fais. Quand ça fonctionne, mais il y a des éléments, il y a des choses que j'ai faites, que j'ignore, Alors, quand je veux répéter le processus, il me manque la moitié du processus. C'est ça, ça fonctionne pas. Donc, en fouillant et en étudiant différemment, on se rend compte que... Donc, dernièrement, c'était une revue scientifique qui disait que les placebos guérissent autant de maladies que les médicaments. Et que là, il y a beaucoup d'études au niveau scientifique pour essayer de comprendre l'effet placebo, où on se rend compte que, probablement, que finalement, le cerveau a sa grande part d'agissement dans la guérison. Il y a des problèmes, des pathologies qui se guérissent aussi bien avec des placebos qu'avec des médicaments qui semblent fonctionner. Et c'est une problématique. Et quand on regarde l'effet placebo pour l'étude d'un nouveau médicament, on prend par exemple 100 patients malades, les médecins ne savent pas s'ils ont des placebos ou non. Placebo, c'est un médicament bidon, comme du sucre. Alors, les médecins ne le savent pas, les patients ne le savent pas, et on donne des médicaments à ces personnes-là. Puis on sait très bien qu'il y a des patients qui vont recevoir le placebo et qui vont guérir aussi bien que les patients qui vont recevoir le médicament. Et il y a des patients qui reçoivent un placebo et ils ont les mêmes effets secondaires que ceux qui reçoivent des médicaments. Bon, puis ça fait partie des études scientifiques, maintenant on le sait, et on essaie de comprendre la chimie cérébrale et le processus qui fait en sorte que quand tu penses que ça va te guérir, que tu déclenches une mécanique cérébrale qui va finalement opérer la guérison. Mais c'est intéressant, ça veut dire que le médicament peut être aussi la foi. Si ça déclenche le processus cérébral, ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être aussi l'affection, l'amour, le plaisir, la joie, le rire. Mais ça va dépendre des processus cérébraux. Donc, je peux en déduire que des médicaments vont marcher pour monsieur, mais qu'ils ne marcheront jamais pour madame. C'est ça. Mais le médicament est bon, mais il ne fonctionne pas. Et on sait que les médicaments ne fonctionnent pas sur tout le monde. Mais les processus cérébraux sont différents et aussi les processus psycho-émotifs sont différents. Ah, il faut faire attention à ça. Il faut tenir compte. Il faut tenir compte, c'est ça. Ben oui. Mais ça veut dire que même la science médicale ne fonctionne pas. Il y a des médecins qui ont déjà dit que le médecin pansait la plaie et que Dieu la guérissait. En disant par là, écoutez, moi, je fais une partie du processus, mais il y a un grand bout que j'ignore. Puis normalement, ça fonctionne. Bon. On se rend compte, par exemple, que lorsqu'on fait une opération chez un fœtus, donc, on l'opère à l'intérieur de la mère. Quand il vient au monde, il n'a aucune cicatrice. Mais quand on opère un enfant ou un adulte, une fois qu'il est sorti, il va avoir un tissu cicatriciel qui va se développer, puis il va avoir des cicatrices. Mais chez le fœtus, il n'y en a pas. Chez le bébé avant la naissance, il n'y en a pas. Il y en a après. Mm-hmm. Ça, on le sait, on l'a constaté. Ce qui est comme, je parlais de glutamate à un moment donné. Chaque fois que vous êtes stressé, votre cerveau, par plaisir, sécrète du glutamate monosodique. Et le glutamate fait éclater les neurones. L'humain est bâti comme ça, et sa structure psycho-émotive est une structure bâtie à ça. Les forces du bien, ça veut dire comprendre ça. Alors, effectivement... Oui, parce que sinon, on va cogner une place, mais c'est pas là qu'il faut cogner. On fera pas les bons moyens pour que ça fonctionne. Mon processus mental, cérébral, peut arriver à m'amener à des guérisons. Plus je comprends ces choses-là et plus je peux contrôler ma structure cérébrale, et ça, encore une fois, ça s'apprend, plus je peux faire cela, plus j'ai de chances d'être capable de bouger là où je veux bouger pour arriver à avoir des résultats physiques que je recherche. On a des appareils aujourd'hui qui peuvent vous amener en état alpha, en état theta, dans certains cas en bêta. Bon. Mais on a quand même, bon, donc, mais on comprend les processus. Mais on sait aussi que chanter, écouter de la musique, il y a de la musique qui fait digérer, il y a de la musique qui relaxe, il y a de la musique qui rend fou. Ça dépend. On sait, par exemple, que les plantes adorent le Mozart, surtout. Mais là, on va dire, c'est parce que les plantes ont une âme. Peut-être. Mais c'est comme ma chatte. Moi, je lui dis, « T'es belle, à ronronne. » Et t'es laide, à ronronne aussi. Fait qu'il ne me vient plus avec la plante. Par contre, je ne peux pas faire autrement que de constater qu'effectivement, il y a un effet musical, plante, il y a des mécaniques. Et ce n'est pas de déshumaniser le monde de parler des mécaniques. Vous avez tous la capacité de rire. Le rire dilate la rate. La dilatation de la rate aide énormément à la santé. Parce que c'est pas la dilatation, mais la rate, quand elle fait certaines choses... Ça doit produire des globules blancs. Elle va grossir, oui, ça...